L'avenir de l'humanité est sans aucun doute urbain, titrait récemment les Nations Unies, institution pour qui l'urbanisation est une tendance lourde du 21e siècle. Malgré un changement climatique et des villes qui n'ont rien d'équitable ni de plus vert, notre planète est donc en voie d'urbanisation rapide. Plus de la moitié de la population mondiale vit désormais en ville, 57% exactement, sachant que 2,5 milliards d'individus supplémentaires devraient intégrer ces zones urbaines d'ici 2050. Pour évaluer cette accélération irrémédiable, rappelons que la population en ville n'était que de 6,4% en 1840, 14% en 1900 et inférieure à 30% en 1950. Ainsi serions-nous désormais en train de rentrer dans un véritable tournant de civilisation ? Ce que l'archéologue ou l'historien peut en dire, en retracer, c'est l'émergence et l'évolution de ces cités. Voici quelques millénaires, de Uruk à Rome ou Londres, c'est ce que nous tenterons d'entreprendre ce soir dans la plus grande diachronie, notion particulièrement choyée par les archéologues, avec Ricardo González Villaescusa. Bonsoir. Bonsoir. Professeur d'archéologie, titulaire de la chaire Jean Monnet et spécialiste de la Gaule et du Nord-Ouest européen à l'Université de Paris-Nanterre, vous dirigez en parallèle le plus puissant laboratoire d'archéologie en France, ARSCAN, l'UMR 7041. 57% de population urbaine en 2023, c'est gigantesque. Les archéologues ont-ils tenté à leur tour d'estimer la part de l'urbain durant certaines époques ? Oui, surtout, c'est une donnée qui est très difficile d'évaluer par les archéologues parce que les populations du passé sont mortes. Donc, tous les éléments, j'insiste beaucoup avec mes étudiants, tous les éléments qu'on a pour estimer des populations, et la vie matérielle, la quantité, la surface, la quantité des bâtiments, les maisons, etc., etc. Et donc, il y a pour Rome, par exemple, cette chiffre fétiche qui disent certains auteurs d'un million d'habitants. Un million d'habitants dans l'Antiquité, c'est énorme. C'est la plus grande métropole de l'Antiquité, de l'Empire romain, bien entendu. Et puis, il y avait très peu des villes qui avaient une telle quantité de population. Il faut dire que la plus grande majorité des villes de l'Empire romain étaient des petites villes, à nos jeux, des villes de 10 000, 20 000 habitants au maximum. Alors j'ai lu même que c'était 1 million, mais ça pouvait être 2 millions. Je crois que ce n'est pas la peine de compter les tombes. Il faut trouver. C'est de la paléodémographie en fait qu'il faut faire, ce n'est pas de l'archéologie. C'est la paléodémographie et voilà, ce sont des déductions qu'on fait à partir de beaucoup de données, entre autres aussi des données textuelles. On a les différentes, les census pour Rome pour établir un chiffre, mais en sachant toujours qu'il faut déduire à partir de beaucoup d'éléments en chiffres et à partir d'éléments tout à fait matériels souvent et de descriptions de l'écriture de l'Antiquité. Alors certains chercheurs ont travaillé sur la taille des villes et de leur population au cours du temps, donc une sorte d'évolution. Et cette évolution est justement frappante. Oui, parce qu'on ne sait pas exactement, il faut dire que les grandes villes telles qu'on les connaît aujourd'hui sont des villes à partir de l'industrialisation et de la révolution industrielle. Et donc, l'estimation des populations, c'est pas évident. Il faut dire que dans un régime démographique ancien, c'est pas évident non plus d'établir quels sont le pourcentage et la quantité de morts, des décès. C'est incroyable. Donc, l'estimation est complètement difficile. Alors moi, j'ai lu qu'entre 3500 avant notre ère et 1000 avant notre ère, on aurait eu des agglomérations légèrement supérieures à 10 000 habitants. Entre 1000 avant notre ère et 1000 de notre ère, on serait passé à 100 000. Et puis, d'un seul coup, à l'époque moderne, donc avec autour de l'an 1000, on passerait vers 1 million. Donc, on voit petit à petit l'évolution de plus en plus puissante. Qui est en gros l'évolution de l'humanité d'un point de vue démographique. Ceci dit, c'est une évolution, mais qui connaît des récessions. Il y a des problèmes, par exemple, à partir du 3e, 4e siècle, on ne sait pas qu'est-ce qui arrive, mais en fait, entre les épidémies et des situations, des crises économiques importantes, on voit qu'il y a un déclin. En tout cas, on trouve beaucoup moins de traces des habitants dans les villes, d'ailleurs, et d'autre part, dans les mondes ruraux, il y a aussi une chute des établissements ruraux, et donc ça indique qu'il n'y a pas une évolution linéaire toujours. C'est-à-dire que le phénomène urbain peut être d'un seul coup en expansion et puis d'un seul coup aussi en régression. Il y a une sorte de mouvement qui s'opère, oui, comme tout ça. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, Ricardo González Villa Escusa, la ville, l'urbanisation, c'est avant tout un choix. C'est un choix social, c'est une conséquence directe de la recherche de l'efficacité dans les marchés, surtout. Il n'y a pas que ces facteurs, mais bien entendu, il y a d'autres facteurs. Mais il faut se rendre compte qu'en fait, les villes, ce sont des commutateurs sociaux, des lieux de rencontres pour échanger, bien sûr, des produits, des biens, mais échanger des idées et des informations et des personnes. Et donc, les villes sont liées à des choix des pouvoirs, des créations d'empires qui permet, à une époque où il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de téléphone, il fallait avoir un relais local et ces relais prennent la forme d'une ville. Commutateur social, c'est un beau mot. Vous me parlez d'articulation. Moi, j'y vois le centralisme, le pouvoir, même beaucoup plus, l'impérialisme. Absolument. Les premières villes apparaissent dès qu'il y a un pouvoir. Et donc, très souvent, ou presque d'une manière majoritaire, quand on voit apparaître les premières villes, c'est dans un contexte de centralisation, de pouvoir étatique. Et donc, très souvent, l'apparition de l'État dans les sociétés anciennes va de la main de l'apparition de la ville. La cité-État, justement. Revenons à la genèse. La première ville de l'humanité n'est ni Jéricho, ni Châtelet-Luc, comme on peut le voir sur certains sites internet, car elle est avant tout mésopotamienne. Voilà, c'est les premiers foyers. C'est pas le seul foyer. Il y a 5-6 foyers au niveau de la planète. Mais le premier, le plus ancien foyer de l'urbanisation, c'est la Mésopotamie. C'est la vallée du Tigre, l'Euphrate. Et c'est Uruk. Uruk, né donc en 3700 avant notre ère, donc 5700 avant notre ère. C'est bien ça? Voilà, c'est la première cité. C'est la première cité. C'est la apparition d'une constellation, on va dire, de cités, et des gens qui commencent à avoir la conscience de vivre dans un milieu à part. Ça commence à paraître une vraie conscience des citadins. Donc une séparation entre le rural et l'urbain, voilà, se fait dès ce moment-là. C'est fondamental, c'est une question identitaire, on pourrait dire. Les gens qui habitent dans une ville, ils sont absolument conscients qu'il y a à un moment donné, une genèse de la ville, qu'il y a à un moment donné, quelqu'un qui est reconstitué dans la légende et dans la cosmologie de ces gens-là, des rois mythiques qui construisent à partir de briques le rempart, qui construisent la première ville. Et donc ça indique cette forte identité urbaine qui avait ses premiers habitants. Gilgamesh, bien sûr. Justement, une petite parenthèse, on est donc aussi sur la même chose avec le sédentaire et le nomade. Il y a toujours eu des problèmes entre sédentaire et nomade. Et là, donc, on est déjà aussi sur une sorte de division entre le monde rural et le monde urbain. On se sent différent. On se sent différent et, bien entendu, il apparaît très très très vite une division du travail, une spécialisation. C'est beaucoup plus pratique que les gens du territoire arrivent en ville avec leurs produits et qui fassent un commerce, un marchandage de tous les biens qu'ils produisaient dans les territoires. Ricardo González Villa Escusa, quelles sont les causes de cette révolution urbaine mésopotamienne pour vous? C'est d'une part la croissance démographique, c'est la prospérité agricole, comme on sait bien, c'est l'apparition des développements d'échanges, c'est-à-dire l'apparition du besoin de consommer des choses qui sont pas produites sur place et donc qu'il faut un commerce. Et donc il apparaît aussi une nouvelle classe qui est les marchands. Avec aussi des objets qui s'échangent de ville en ville, avec des échanges extrêmement lointains pour acquérir donc des sortes d'objets ostentatoires qui ne sont réservés qu'aux élites. Exact. Et voilà, et qui montre un peu, qui symbolise un peu cette capacité d'acheter des choses qui viennent de loin et donc qui distinguent les gens qui ont le pouvoir de trouver ces objets. Comment s'opère la diffusion de la ville au troisième millénaire avant notre ère ? Tout semble se dérouler dans une économie monde allant de Sumer à la civilisation de l'Indus, sans oublier bien sûr l'Égypte qui elle aussi va se développer. La diffusion, c'est une diffusion qui est une sorte des taches d'huile qui commence à plusieurs plusieurs zones de la planète. Mais la diffusion s'est produite par ce qu'on appellerait aujourd'hui un réseau. Il y a des villes pour occuper un territoire, par exemple, qui n'appartient pas au foyer de la première expansion, il faut absolument trouver un relais et créer des relais, des colonies et d'espaces. Et donc, c'est une sorte de diffusion des constellations, des sites urbains qui commencent à occuper l'espace petit à petit. Alors, j'ai regardé une petite démonstration sur Internet que vous m'aviez adressée sur la création des villes. C'est extrêmement bien fait, mais ce que l'on s'aperçoit, c'est que ces villes, si l'on prend 2-3 millénaires, elles sont créées uniquement sur une sorte d'étroite bande, oui, tout en longueur, oui, qui est une zone de très forte, visiblement, innovation. C'est là où beaucoup de choses auraient été inventées. Et c'est une zone qui est vraiment qui a un climat très très caractéristique. On est au croissant fertile. On voit aussi que ce sont des zones qui sont entre le parallèle 40, on va dire, dans un premier temps, de deux côtés de l'équateur, donc qui apparaissent et donc qu'il y a surtout une diffusion vers l'Occident, vers l'Orient. Mais c'est assez caractéristique. Caractéristiques de ce type de diffusion. Il y a très peu de diffusion nord-sud, mais ça serait un autre programme, peut-être. Ricardo González Villaescusa, nous l'avons dit, le monde urbain est avant tout un choix de société. Certaines d'entre elles, déjà complexes, ne feront pas ce choix de l'urbanisme, d'autres le feront uniquement tardivement. Oui, justement, du fait qu'il s'agit d'un choix, de société, toutes les sociétés n'ont pas fait le même choix. C'est-à-dire, on est aujourd'hui tellement habitué au fait qu'on est dans une société tellement urbaine et qui deviendra de plus en plus urbaine que on ne se rend pas compte qu'il y a des sociétés qui n'ont pas fait les choix. Par exemple, Thucydide, il parle à un moment donné de la guerre du Péloponnèse, il dit voilà, il se met à la place d'un archéologue parce qu'il dit si les générations futures comparent les restes de Sparte et les restes d'Athènes, ils croiront que c'est Athènes, une ville beaucoup plus importante, et ils pourraient jamais imaginer que quelques villages qui conformaient Sparte pouvaient avoir un tel pouvoir, une telle hégémonie sur les Péloponnèses. Et donc, c'est ça qu'il nous transmet un peu, qu'il y a des sociétés qui n'ont pas des villes ou qui ont des villes qui sont différentes à ce que nous avons pensé dans un premier temps, les villes grecques, romaines, etc., ou les villes de la Mésopotamie. Il y a ce que certains auteurs appellent un urbanisme de faible densité, des densités plus lâches. Ce texte de Thucydide sur Sparte est vraiment très beau. Moi, j'ai lu aussi celui d'Aristote, et donc au VIe siècle, qui dit que la ville, c'est le partage de notions communes. Et là, il parle d'une grande partie de la Grèce. Oui, oui. Et surtout Polybe. Polybe, à un moment donné, il dit que pour définir encore une fois le Spartiate, il dit ce sont des gens qui ont les mêmes lois, les mêmes poids, c'est-à-dire le même type de mesures, la même monnaie, le même magistrat, le même conseiller, le même juge. Donc, ce sont des gens qui partagent des normes et des cadres. Et donc, ces sociétés ont un destin commun, hein, si on peut le dire comme ça. Et donc, c'est ça qui nous transfère un peu l'Antiquité, c'est qu'il ne faut pas forcément une ville pour avoir un projet social ensemble, et que la ville, c'est quelque chose qui va avec, mais pas toujours. Dans cette histoire des villes, il existe aussi des lieux indépendants d'innovation, de sociétés qui iront même jusqu'à la naissance de l'État, de manière sans aucun emprunt. Je pense bien sûr à la Mésopotamie. Oui. Et il n'y a pas forcément le monde urbain ou les centres urbains qui font l'État. En fait, il y a d'autres types d'organisations et il y a d'autres types de sociétés, les nomades, comme vous avez cité, qui s'organisent et qui organisent l'espace. Il n'y a pas que l'agriculture, par exemple. Il y a aussi l'élevage. Il y a d'autres formes. Sauf que c'est vrai, d'un point de vue mondial, on voit une progression et une société qui laisse beaucoup de traces, et donc très importante pour les archéologues. Vous me citiez 6 points d'innovation. Je connais la Mésoamérique, je connais bien sûr la Mésopotamie. On aurait d'autres lieux oui, d'innovation. La vallée de l'Indus, la Chine par exemple aussi, et l'Amérique andine aussi. Le Pérou. Le Pérou, voilà. France Culture. Carbone 14, Vincent Charpentier. Ricardo González Villaescusa, plongeons en Europe, celle de la Grèce, de la Crète et du sud de l'Italie. Une nouvelle étape dans la diffusion de la ville est franchie, à savoir le centre de la Méditerranée. Oui, en fait, il faut dire que, de ces points de vue, la Méditerranée est une zone marginale de l'apparition de premières villes. Donc, les premières villes, la Mésopotamie et la vallée du Nil. Et donc, petit à petit, c'est une diffusion d'un modèle qui est celui de l'État, du modèle urbanistique aussi, qui arrive à partir de la Grèce, puis de Rome, jusqu'aux confins de l'Empire, et donc de l'Empire romain plus tard. Et donc on verra, on se rend compte, quand on voit cette carte de la diffusion de la ville, qu'en fait, le dernier espace qui sont urbanisés, c'est par exemple avec la conquête de Rome des îles britanniques. Alors, le modèle grec, c'est l'emporium, les emporia, c'est quelque chose que j'imagine vous connaissez bien, puisque vous avez enseigné en Espagne. Oui, Et Dieu sait si on en a sur cette côte. Oui, en Espagne. Atlantique et portugaise aussi. Oui, et dans le sud de la France actuelle, dans le sud de la Gaule, dans l'espace du territoire de Marseille. Alors, l'emporium, c'est quelque chose d'intéressant, parce que c'est une nouvelle méthode pour implanter des villes, de fait. Voilà, c'est une manière d'abord d'établir un commerce entre des populations locales et des populations qui viennent de l'extérieur. Avec l'échange des élites, les mariages. L'échange des élites, avec le mariage entre d'une partie les locaux, les autochtones, et puis ceux qui arrivent avec une nouvelle manière de comprendre, de faire les choses. Mariage dans les élites. Mariage entre eux, et donc ce qui permet d'établir des liens qui ne marchent pas toujours très très bien, mais quand même, et qui ont provoqué l'apparition de nouvelles villes, de comptoirs d'abord, d'échanges, et puis l'apparition des villes. C'est comme ça donc que ça arrive tout autour de la Méditerranée. Reste bien sûr un cas un peu à part, une sorte d'Apax, Carthage. Carthage, qui est quand même une colonisation, une colonie aussi de Phéniciens, et qui est aussi un processus. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que les Grecs avec la diaspora et la diffusion de la ville. Il y a aussi, dans le sud de l'Espagne notamment, une diffusion de la ville orientale qui est phénicienne et punique. Ricardo González Vilescusa, que devons-nous à Rome? Peut-être tout d'abord une sorte de modèle, des axes fixés aux points cardinaux, mais aussi une multitude d'arpenteurs qui vont arpenter les campagnes pour créer des villes? Arpenter les campagnes et arpenter les villes aussi. La Rome nous a transmis toute une série d'éléments qui font une vie urbaine. Toute une série d'infrastructures, toute une série même parfois d'institutions. Mais il ne faut pas non plus se tromper. La transmission de tous ces éléments de civilisation et des cultures n'a pas arrivé chez nous d'une manière directe. J'ai lu que la cité romaine recouvrait une double réalité, sociale et matérielle, la civitas et l'urbs. De quoi s'agit-il ? C'est-à-dire, c'est un modèle qui est celui de la polis grecque ou de la civitas romaine. C'est-à-dire, c'est un territoire, une cité autonome qui fonctionne de manière autonome d'un point de vue économique avec un territoire. Et donc, la ville, c'est l'agglomération urbaine, tandis que la civitas, c'est l'ensemble de la ville et son territoire. Alors prenons Rome, mais on pourrait bien sûr prendre d'autres villes. La cité des origines à nos jours, c'est un espace qui n'a rien d'écologique. Non. La ville, c'est quelque chose d'énergivore. Hein. On le voit bien. La diffusion évoquée au début du programme, l'évolution qu'on connaît aujourd'hui, c'est la crise du climat, tous ces problèmes. En fait, ça va de la main d'une diffusion extraordinaire de la ville. La ville provoque beaucoup plus de déplacements, beaucoup plus de transports des denrées, des communications en permanence et donc une consommation aussi des produits pour construire. Et donc la pierre, le brique, etc., tout ça a un impact. Est-ce qu'il ne faudrait d'ailleurs pas étudier les égouts de ces villes-là? Ça pourrait nous donner des informations absolument extraordinaires. Oui. Et il y a aujourd'hui déjà des thèses qui ont été soutenues sur la question. Les égouts, c'est la première chose qu'il faut faire. Même avant n'importe quelle autre infrastructure, les égouts, parfois ils sont très petits, d'autres fois sont énormes. Mais les égouts, c'est ça qui fait l'urbanisme, c'est la planification au préalable. Et donc, et faire des choses au préalable pour permettre de faire des rues et que ça fonctionne. Et des maisons qui ont une évacuation des eaux usé à partir des égouts. Et donc tout ça permet de dire, voilà, ça commence à être un peu l'urbanisme d'aujourd'hui, c'est-à-dire la préconception de l'espace urbain. Dans un tout autre ordre d'idées, les archéologues n'auraient-ils pas plaqué des modèles qui ne s'adaptaient pas à leur propre discipline? Je pense aux villes gauloises des 3e, 2e siècle avant notre ère, ce que l'on appelle les oppidas, qui n'ont jamais, pendant très longtemps, été considérées comme des cités, comme oui, des villes. Oui, mais c'est... Il faut revoir la définition, donc, du côté archéologique. Il a fallu revoir la définition. Il n'y a pas une seule... il suffit de jeter un coup d'œil à ce qu'on pense aujourd'hui. Une ville, quand on voit Paris, New York, c'est une ville, d'accord, mais quand on voit une ville de 20 000 habitants, c'est encore une ville. Donc, ce n'est pas quantitatif. Donc, on plaque ces modèles. Et donc, ça a été pendant beaucoup de temps les modèles gréco-romains qui ont établi, voilà, qu'est-ce qu'une ville. Et donc, ça cachait un peu le fait qu'il y a d'autres types de villes, entre autres les agglomérations celtiques, qui sont dans un cadre tout à fait comparable, mais en même temps différent des autres modèles. Ricardo González Vilescusa, vous me parlez de ville, mais le mot exact devrait être cité. Il faut le dire, dans cette création de la ville européenne, celle-ci n'est pas antique, elle est assurément médiévale. C'est la cité antique et la ville médiévale. Hélas, malgré que je suis un antiquisant, Voilà, il faut accepter que, justement, la ville européenne, la naissance, la jeunesse de la ville européenne est plutôt la ville médiévale. C'est à partir de l'an 1000, on va dire, comme une date clé, c'est à partir de cette époque-là et le bas Moyen-Âge qu'on voit une croissance urbaine qui donne lieu à notre civilisation urbaine. Ceci dit, il y a un premier squelette de ce qui deviendra plus tard la ville européenne, qui est l'Antiquité. La ville européenne a aussi emprunté au monde oriental. C'est le cas, par exemple, de la Sicile, d'une partie de l'Espagne. Tout à fait. Il y a affaire d'emprunt. Oui, il faut. Voilà, la ville. Il n'y a pas que la ville européenne. Il n'y a pas que le modèle gréco-romain. Il n'y a pas que aussi le modèle qui pourrait être gaulois, celtique. Il y a aussi dans l'histoire de l'Europe et d'une partie de l'Europe, notamment de l'Espagne avec l'Andalous et la Sicile, qu'on sait que il y a des modèles des villes orientales qui arrivent, qui se diffusent, qui se créent, des transformations des anciennes villes antiques par la conquête omeyyade à partir du 8e siècle. Et donc, ça a marqué les villes européennes d'une partie de notre continent avec une structure urbaine qui est différente de celle qui est l'Europe des villes classique. C'est-à-dire que ces villes qui peuvent être tortueuses sont réellement l'objet de planifications tout à fait rationnelles, liées peut-être donc au mode de vie même. Absolument, et au type de civilisation. Autrement dit, quand on dit voilà que la ville orientale tortueuse avec des impasses, etc., c'est une ville qui n'est pas planifiée, c'est juste le contraire. C'est une planification, mais avec une rationalité qui n'est pas forcément la nôtre. Par exemple, dans le monde de la ville arabe, on peut dire qu'il y a une planification d'abord du privé, et ce qui reste appartient au collectif. Ce qui n'est pas exactement la même chose que les publics. Et donc, c'est pour ça que ça donne des résultats différents. Mais il y a une planification de tout. Ricardo González Villaescusa, la ville, c'est aussi un problème de sécurité, de maladie propre au monde urbain, ce que l'on appelle la pathocénose. Ce qu'on appelle la pathocénose, en l'occurrence urbaine, c'est il y a des maladies urbaines et il y a une grande diffusion de la poliomyélite. Quand on voit la carte des dispersions et des diffusions de la poliomyélite ou de la variole, on se rend compte qu'en fait, ça suit l'expansion du modèle urbain dans la planète. Et donc, il y a, en même temps qu'on a des concentrations humaines, il y a des concentrations des virus. Que reste-t-il du passé antique dans l'espace urbain contemporain ? En conclusion, c'est moi qui la ferai, probablement pas grand-chose, pas de vestiges archéologiques, si ce n'est certaines villes totalement gréco-romaines. Ricardo González Villaescusa, un très grand merci. Et tenez-nous bien sûr au courant de l'avancée sur ce beau sujet de la chaire Jean Monnet. Carbone 14 a été réalisé par Vanessa Nadjar, la technique Tar Bouclifa, et bien sûr avec la contribution de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France, ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr.